Chapitre 37e. À Nemours, je retrouvai ma chère Adélaïde, dont la douleur renouvela toute la mienne. Oh, ma Sophie, je vous avais perdue, et quoique Madame de Lignol me devint chaque jour plus chère, vous étiez encore celle que je préférais. Madame de Fontrose nous rejoignit le soir. Elle avait eu beaucoup de peine à tirer la comtesse de son évanouissement, et plus de peine encore à lui persuader qu'il ne fallait pas venir ici nous faire une inutile scène. La baronne, en s'adressant à mon père, ajouta « Je la crois capable de se porter bientôt à toutes sortes d'extrémités, si, ne prenant en considération ni ses malheurs ni sa jeunesse, vous ne permettez pas que ce jeune homme aille rarement, mais du moins quelquefois, donner à cet enfant les seules consolations qui puissent lui rendre son état un peu supportable. » Mon père, qu'alors j'observais avec attention, ne répondit à ce discours de la baronne par aucun signe d'approbation ou de mécontentement. Je passai, comme il y avait tout lieu de le craindre, une nuit très agitée. Le lendemain, nous rentrâmes à Paris, où déjà trois lettres m'attendaient. La première me venait de Justine. Mon Éléonore avait écrit la seconde, et quant à la troisième, vous ferez comme je fus obligé de faire, vous devinerez de qui elle était. Je sais que monsieur le chevalier va devenir convalescent. Je le prie de passer chez moi dès qu'il le pourra. Il voudra bien seulement m'annoncer le jour de sa visite par un billet qu'il m'adressera la veille. Votre père est un méchant. Souffrez-vous autant que moi des peines qu'il nous cause? Tiens, mon ami, si tu ne veux pas que je succombe à mon chagrin, hâte-toi de reprendre assez de force pour me venir voir. Que je te vois seulement, je serai contente. Depuis deux jours que le cruel nous a séparés, je meurs d'inquiétude, d'impatience, d'amour et d'ennui. Monsieur le chevalier, le pauvre jeune homme s'en va, mais il dit que ça lui fera plaisir s'il vous fait ses adieux, et qu'il a quelque chose d'important à vous dire, mais que par rancune, vous ne voudrez peut-être pas le venir voir, et il en tremble de peur. Voilà pourquoi il me charge de vous le demander. Suivant une coutume de la loi de nature, on supporte un malade qui se meurt toutes ses fantaisies, et sous votre respect, vous qui êtes, à ce qu'il dit, muni d'un très joli savoir-vivre envers tout le monde, vous auriez dans le cœur une âme bien dure de refuser si peu de choses à un ami qui n'est pas sans indifférence pour vous présenter à mon maître, afin que vous lui fassiez passer son envie de parler, et que vous le remontiez un peu sur le ton de rire, lui qui faisait toujours quelques bonnes farces, et qui a maintenant l'air triste comme le bonnet de nuit de feu ma grand-mère Robert, qui est devant Dieu. Par manière d'acquis, vous ferez mieux de lui donner, tout en causant, par-ci par-là, sans que ça vous dérange, quelques bonnes embrassades bien serrées, puisqu'il s'est mis dans la tête que cela lui ferait du bien. Malgré cela, je dis qu'il faudra avoir l'intention de prendre garde de ne pas l'étouffer, parce qu'il est très faible de tout son corps. Enfin, pour terminer, le temps presse, puisque les chirurgiens constatent que d'un moment à l'autre, il peut passer dans mes bras comme une chandelle. Voilà la seule raison pourquoi il lui serait de toute force impossible d'attendre longtemps votre commodité. Or, ce qu'il ferait, ce ne serait pas du tout par impolitesse, ni par trop grande impatience, mais c'est que, voyez-vous, quand celui d'en haut nous appelle, il faut s'entendre de façon quitter la compagnie. Voilà pourquoi, si vous le voulez, je vous enverrai dès demain sa voiture, dont il ne se sert plus depuis qu'il n'a pas sorti de son lit. Au moyen de quoi je vous attends d'un pied ferme, avec lequel je suis très respectueusement, monsieur le chevalier, votre très humble et très obéissant serviteur, Robert, son valet de chambre. J'appelai Jasmin. Tiens, va-t'en tout à l'heure chez madame de Montdésir. Celle que vous faites toujours attendre, car elle vous fait toujours demander. Tu la remercieras de son billet. Tu lui diras qu'elle présente mes respects à la personne qui le lui a fait écrire, et qu'elle fasse tenir à cette personne la lettre que voici. Remarque qu'elle est signée Robert, ou plutôt, je vais la mettre sous enveloppe. Tu me comprends. C'est à madame de Montdésir qu'il faut remettre ceci. Oui, monsieur. De là, tu iras chez madame la comtesse de Lignol. Ah, cette jolie petite brune, si drôle, si alerte, qui l'autre jour, dans le boudoir, vous a donné ce bon soufflet. Il faut que cette femme-là vous aime bien, monsieur. Oui, mais tu as trop de mémoire. Écoute, tu n'entreras pas chez madame, tu demanderas son laquais la fleur. Tu lui diras que j'adore sa maîtresse. Puisque vous me chargez de le lui dire, c'est qu'il le sait déjà. Il le sait, tu as raison. Bon, il est donc nécessaire que monsieur Lafleur et moi, nous soyons bons amis. Monsieur, si je lui proposais un verre de vin, propose-lui en deux, à ma santé. Jasmin, tu m'entends? Oh oui, monsieur, vous êtes le plus aimable et le plus généreux. Recommande à la fleur de prévenir Madame de Lignol que je m'en rendrai chez elle dès que j'aurai pu concerter avec Madame de Fontrose les moyens de reprendre mes habits de femme et de sortir d'ici sans que le baron me voie. Très bonne, cette commission-là, je ne l'oublierai pas. Enfin, tu iras chez Monsieur le comte de Rosanvert. Tant mieux, c'est encore un garçon bien jovial, celui-là. Je m'ennuyais de ne plus le voir. Jasmin, si tu voulais m'écouter, tu parleras à Robert, son valet de chambre. Tu lui annonceras que, malgré ma faiblesse, j'irai voir son maître dès demain. J'accepte l'offre qu'il me fait de sa voiture. Robert n'a qu'à me l'envoyer à 10 heures du matin. Oui, monsieur. Mon domestique revint en nage, et loin de se permettre seulement un murmure, quand le baron l'accusa de lenteur, il avoua noblement qu'il s'était amusé en route. Oh, mon bon Jasmin, que ne donnerait pas quantité de jeunes gens de famille pour avoir un serviteur comme vous? Monsieur de Bellecour, ce soir-là, ne quitta ma chambre que lorsqu'il me vit endormi. Mes chagrins me réveillèrent à la pointe du jour. La marquise eut un soupir. Mon Éléonore plusieurs regrets bien vifs. Sophie, 1000 souvenirs doux et cruels. Mais quelle fut mon inquiétude, lorsqu'en voulant relire la lettre de mon ravisseur, je ne la trouvais plus. Je me fis rapporter mes habits de femme, je fouillai dans toutes les poches. Le précieux papier n'y était point. Ah, je l'ai sans doute laissé chez Madame de Lignol. Les gens de Rosanvert me vinrent chercher de très bonne heure. Ce fut Robert qui m'ouvrit la chambre à coucher de son maître. « Vous pouvez lui parler un peu, » me dit-il tristement. « Il n'est pas encore tout à fait mort. Mais il ne le portera pas loin, le pauvre homme. Il avait tout à l'heure une fièvre de cheval. Oh, je vous en prie, monsieur, ne le gênez dans aucune de ses idées. Dites tout comme il dira. »« À qui parlez-vous ainsi tout bas ?» demanda le comte d'une voix presque éteinte. Le valet de chambre répondit. « C'est monsieur le chevalier de Faublas. » Dès qu'il eut entendu mon nom, Rosanvert souleva sa tête avec effort, et ce ne fut pas sans peine qu'il balbutia ces mots. « Je vous revois. J'aurai donc la consolation de pouvoir vous confier mes derniers sentiments. Venez, Faublas, approchez-vous. Sans partialité, convenez-en. N'est-elle pas bien sauvage et bien romanesque, cette pointilleuse amazone, qui, pour une plaisanterie de société, met au tombeau l'un de ses plus constants admirateurs ?» Ici, Rosanvert s'anima. Sa prononciation, d'abord faible, lente et gênée, devint tout à coup ferme, brève et distincte. « C'est cette Madame de B, continua-t-il, « cette Madame de B qui connaît si bien le monde et ses usages, la galanterie et son code, les droits de notre sexe et les privilèges du sien, ne pouvait-elle point en conscience calculer que, grâce au succès de mon dernier attentat, nous demeurions, elle et moi, parfaitement quittes l'un envers l'autre ?» Néanmoins, je ne prétends pas dire que ma conduite fut, en cette occasion, tout à fait exempte de reproches. Mais je soutiens que vous seul aviez le droit de vous en plaindre. Poblas, que voulez-vous? Je fus entraîné. Je ne vis que le doux plaisir de rejoindre l'artificieuse personne comme elle m'avait échappé, par 20 détours plaisamment perfides. Les considérations qui m'auraient pu retenir ne se présentèrent seulement pas à mon esprit, entièrement préoccupé de ces bizarres projets de vengeance. Et ce ne fut qu'après avoir repris ma maîtresse que je me reconnus coupable de quelque tort envers mon ami. Quel châtiment terrible a cependant suivi la plus excusable des fautes! Quel ennemi s'est chargé de la querelle de Faublas, et comme il l'a vengé, hélas! Pour vous avoir étourdiment donné quelques passagers chagrins, méritait-il de mourir à 23 ans et de mourir de la main d'une femme? Ces dernières paroles furent prononcées d'une voix si faible que j'eus besoin de toute mon attention pour les entendre. La pitié, naturelle au cœur des jeunes gens, vint émouvoir mon cœur. « Rosanvert, mon cher ami, je vous plains. »« Ce n'est pas assez, » me répondit-il. « Il faut que vous me pardonniez. »« Oh, de toute mon âme !»« Et que vous me rendiez votre amitié première. »« Avec bien du plaisir. »« Et que vous veniez me voir tous les jours, jusqu'à celui qui doit terminer. »« Quelle idée ! La nature, à notre âge, a tant de ressources. Espérez, vraiment. On espère toujours. » interrompit-il. « Mais cela n'empêche pas qu'il ne faille un beau matin prendre congé de ses amis. Faublas, répétez-moi que vous me pardonnez. Je vous le répète. Que vous m'aimez, comme autrefois. Comme autrefois. Donnez-moi votre parole d'honneur. Je vous la donne. Surtout, promettez-moi que, sans en rien dire à la marquise, vous me viendrez voir exactement jusqu'à mon dernier jour. Rosanvert, je vous le promets. foi de gentilhomme, foi de gentilhomme. Eh bien, s'écria-t-il gaiement, vous me ferez encore plus d'une visite. Allons, Robert, ouvre les volets, tire les rideaux, viens me mettre sur mon séant. Chevalier, vous ne me complimentez pas. Mon valet de chambre n'est-il pas un homme à talent? Que dites-vous de son style? Savez-vous bien que sa lettre m'a coûté 10 minutes de méditation profonde? Hier, les médecins m'ont annoncé qu'il répondait de moi. Monsieur Robert tout de suite a pris la plume. Eh bien, Faublas, pourquoi donc cet air sérieux et froid? Seriez-vous fâché d'être sûr que cette fois encore j'en reviendrai? Lorsqu'aujourd'hui vous me pardonniez, était-ce à condition que je me ferais enterrer demain? Trouveriez-vous qu'elle ne m'a pas assez puni, l'héroïque femme qui m'a terrassé? Pour que vous fussiez bien vengé, fallait-il nécessairement qu'elle me tuât? Je ne l'ai pas tuée, moi, lorsque je tenais sa vie dans mes mains. L'insensé! Elle a confié nos intérêts et sa vengeance au cruel dieu de la guerre. Vénus ne nous appellera plus ensemble à ses 12 exercices. C'est Mars qui va désormais nous ordonner les combats sérieux et sanglants. Nous aurons donc à la place des amours les furies pour témoins, et pour champ de bataille un grand chemin au lieu d'un boudoir. Et nos armes même, ces armes courtoises dont elle et moi faisions corps à corps un si loyal usage, elles seront échangées contre des pistolets meurtriers qui de loin vous... Des pistolets? Comment? Vous retournez à Compiègne? Si j'y retournerai, qu'elle demande. Quoi, Rosambert, vous irez vous battre avec une femme? Vous plaisantez. C'est un grenadier que cette femme-là. D'ailleurs, j'ai promis, Faublas. Il n'importe à quel dieu. Quoi? Rosambert, vous irez exposer vos jours pour menacer? Votre avis, Faublas, est donc que je n'y suis point en conscience obligé? Certainement. Eh bien, rassurez-vous, c'est le mien aussi. J'estime que nos plus scrupuleux casuistes ne me croiraient pas tenu de remplir un engagement ridicule et cruel, arraché par la force et surpris par la ruse. J'aime mieux laisser mon héroïque adversaire se glorifier de ma défaite que d'aller me commettre avec une femme pour l'envoyer dans l'autre monde et retourner chez l'étranger. Vous le savez d'ailleurs, je n'aime pas le sang, je hais les duels et je crois en vérité que si j'étais encore obligé de me battre, la mort me semblait préférable à l'ennui d'un second exil. Mon ami, ferai-je seul les frais de la conversation? Poursuivit-il. Allons, asseyez-vous, et parlez donc à votre tour. Dites-moi, la belle Sophie, qu'est-elle devenue? Hélas! Malheureux époux, je vous entends. Et de sa rivale, qu'en faites-vous? De sa rivale? De sa rivale, mais... Bon, s'écria-t-il en riant. Il va me demander laquelle. Cela doit être. Il entre dans le monde avec tous les moyens de s'y distinguer, et sa première aventure le met encore en évidence. Il faut bien que les femmes se l'arrachent, heureux mortel. Eh bien, voyons, les rivales de Sophie, combien sont-elles? Elles sont une, mon ami. Une? Quoi, la marquise vous tient toujours enchaînée? La marquise? Tenez, monsieur le comte, laissons la marquise. Je n'aime point à vous entendre parler d'elle. Le ton de ma réponse annonçait un mouvement d'humeur qui fut bientôt calmé, car j'aimais encore Rosambert, et sa gaieté me séduisait toujours. Mais en vain me fit-il sans question pour apprendre ce qui m'était arrivé depuis notre séparation. J'eus le courage de lui refuser toute espèce de confidence. La confiance n'était pas revenue. Voilà bien de la discrétion perdue, me dit-il enfin quand il me vit prêt à sortir. Songez donc que sans avoir seulement besoin de le demander, je saurai désormais tout ce que vous faites. Grâce à moi, grâce à la marquise, et surtout grâce à vos mérites, ajouta-t-il en riant, car je ne prétends rien porter atteinte à votre gloire. Grâce à vos mérites, vous voilà maintenant un personnage trop considérable pour que le public ne s'informe pas curieusement de ce que vous devenez. Mais en attendant qu'il m'ait pris vos bonnes fortunes, chevalier, je crois devoir vous le répéter. Si vous aimez votre épouse, défiez-vous de madame de B. Votre épouse, je le gagerai, n'aura jamais de plus redoutable ennemi. Adieu, Faublas. À demain, car je compte sur votre parole. Et la marquise, souvenez-vous-en bien, doit ignorer que votre amitié m'est rendue. Adieu. Un billet de madame de Montdésir arriva chez moi comme je venais d'y entrer. La marquise me faisait dire que le comte, dont les médecins avaient, dès la surveille, permis le transport, ne devait pas être aussi mal que me l'annonçait la prétendue lettre du prétendu valet de chambre. Madame de B me priait, en conséquence, de vouloir bien ne pas faire à monsieur de Rosambert la visite sollicitée. Je ne la ferai pas. Dites-lui que je ne la ferai pas. Telle fut l'insidieuse réponse que remporta le tardif commissionnaire.